Chapitre 39, page 263. Exercice 4. 1. Nous avons fouillé le site et nous avons trouvé des vestiges de fondations romaines ainsi que de nombreuses pièces de monnaie. 2. Je travaille sur un projet de nouveau quartier. Je vais bien sûr dessiner les rues, mais aussi travailler sur les équipements publics. 3. Ce vieux quartier délabré et insalubre a été rasé. De nouveaux immeubles, principalement des HLM, vont être construits. 4. Le chantier avance, mais le gros œuvre n'est pas terminé. 5. Nous nous trouvons ici devant les douves. 6. Nous avons un peu de mal à la déchiffrer, car non seulement elle est fragmentaire, mais elle est très abîmée et érodée.